Go back to bed, America. Your government is in control. Les droits de l'homme? Oh, les droits de la femme? Oh, on s'en fout. Ben, ça paye. Le capitalisme est en train de développer d'effrayantes contradictions. On a vraiment un pouvoir mondial qui est entre les mains d'une poignée de riches. On vit sur du temps emprunté, puis tôt ou tard, il va y avoir un réajustement qui risque de faire mal. On croit mourir pour la patrie, on meurt pour des industriels. L'économie doit être au service du reste des liens humains. Mais si on fait rien, c'est sûr que rien ne changera. C'est une rengaine que de parler de la toute-puissance de l'argent. Il est facile d'appeler rengaine la constatation obstinée d'une évidence. Bonjour à tous, ici David Lemelin, bienvenue à Econophile. Les élections, c'est demain. Avez-vous fait votre choix? Êtes-vous de ceux qui, rendus dans l'isoloir, peuvent encore changer d'idée? Pas sûr, je sais pas. Honnêtement, quand j'entends ça, ça me surprend quand même toujours un peu parce que l'offre est vraiment, vraiment différente. À Québec, en tout cas. La bombe, c'est clair, hein? Je veux dire, Démocratie Québec, c'est clair. L'autre affaire aussi, c'est clair. Alors, il reste vous. Le temps de mettre le nez dans les plateformes ou les programmes, à décider ce qui vous semble pour vous, là, un bon projet, une bonne idée. Et puis surtout, les femmes et les hommes qui se présentent, hein, les regarder, voir ce qu'ils vous proposent, puis vous laisser inspirer ou non. Hein. C'est important là, ce que vous vous apprêtez à faire. Là, vous avez une responsabilité. On se l'est dit la semaine dernière, là, d'ailleurs, il y a Véronique qui nous a écrit pour nous dire que j'oubliais un cas de figure, hein. Annuler son vote, effectivement, marquer d'un X tous les candidats, c'est vrai. En fait, je n'ai pas passé en revue les options de vote, j'ai encouragé à voter. Pas voter, c'est un message si vous voulez passer ce message-là d'insatisfaction envers le système. Et si vous votez et que vous n'aimez pas ce qu'on vous propose, oui, annuler le vote est aussi une manière d'exprimer votre mécontentement. C'est tout à fait vrai. Donc, on en revient à vous. Les candidats peuvent plus rien faire. Là. C'est joué, c'est trop tard. Leur sort est entre vos mains. Vous, il vous reste à cogiter jusqu'à demain. Est-ce que le résultat sera bon? Est-ce qu'il est bon parfois? Ça, en fait, ça dépend pour qui, hein? Ça dépend pourquoi. Est-ce que les électeurs se trompent? Oui, ça arrive, on peut dire ça. Ça arrive qu'on leur vende quelque chose, qu'ils l'achètent et qu'ils découvrent qu'on s'est joué d'eux. Ou que ce qui devait arriver, c'est finalement pas produit. Est-ce que les électeurs se trompent? C'est pas la question. La démocratie parle, on l'écoute, on fait avec. C'est la beauté et le risque de l'affaire. Hein? C'est un beau risque. Cette élection-là va permettre de réaliser où on est rendu, collectivement. Hein? Qu'est-ce qui se dessine? On pourra mesurer la force des discours d'inertie, hein? La force des radios poubelles aussi. On va s'amuser à analyser partout, pendant des semaines, le résultat. Et si jamais le résultat vous déçoit, je peux-tu vous demander quelque chose? Hein? Pouvez-vous vous impliquer quelque part? Hein? Peut-être pas forcément politique, là, mais vous impliquez. Essayez vous aussi de changer les choses pour le mieux. Ou même de vous présenter. Oui. Là, vous dites, non, il n'y a pas question. C'est trop rough, ça joue trop dur. C'est pas pour moi la vie politique. Ça se peut. Oui, ça joue dur. Oui, c'est vrai. Pas obligé de vous présenter. Vous pouvez militer, vous pouvez travailler dans l'organisation, par exemple. Aider une candidate ou un candidat, vous pouvez faire ça aussi. Parce que si les résultats vous découragent, tant et aussi longtemps que les gens qui croient avoir de bonnes idées restent à la maison, on vit avec les conséquences de leur choix. Ouais. On est responsable de notre vote et responsable aussi, en quelque part, comme citoyen, de l'allure de notre société. C'est pas drôle, la démocratie, hein? Eh non. Bienvenue à Econophile. Alors, vous voulez nous retrouver sur les internets, les réseaux sociaux, sur le blog. On est là. Allez aimer la page sur Facebook pour nous suivre. Econophile 891 pour nous trouver. Et puis, pour le blog, deux façons. Il y a le bouton « En savoir davantage » sous le bandeau de notre page Facebook ou encore vous allez sur econophile.net et vous y arrivez directement. Econophile.net pour lire des textes inspirés de nos discussions ou encore des livres que nous vous présentons. Et puis, vous trouvez aussi la balado qui donne accès aux trois dernières émissions ainsi qu'à la totalité des émissions que nous avons réalisées qui sont disponibles dans la section « Émissions ». Jean-Claude Cloutier, bonjour. Oui, bonjour David. J'ai mis une chanson de robot en arrière. C'est We Are the Robots. Pour être dans le ton, dans la thématique de cette semaine, Jean-Claude, la robotisation. J'avoue, j'avais des connaissances assez limitées là-dessus. J'avais la connaissance depuis tout. J'ai lu toute la semaine. Passionnant comme dossier. Oui, c'est un sujet passionnant, mais je pense que c'est peut-être pas le seul à constater qu'il y a encore bien des choses à apprendre dans ce domaine-là. Moi-même, c'est mon cas aussi. Pourtant, c'est un dossier dont on parle quasiment tous les jours dans les journaux. Ça a pris une tournure particulière depuis quelques temps. Là, ça tourne autour de l'intelligence artificielle parce que la robotisation, dans le fond, c'est pas vraiment nouveau, là, au niveau de la mécanisation du travail, etc. Même de la vie domestique, là, une machine à laver, c'est un robot, dans le fond, parce que tu pars le bouton, puis ça fait quelque chose qu'un humain aurait pu faire autrement, mais c'est la machine à laver qui le fait. C'est pas vraiment nouveau, mais c'est avec le temps, c'est que les robots, enfin, les machines sont devenues de plus en plus efficaces, puis ont élargi la gamme des activités humaines qu'elles peuvent faire, et notamment à cause de l'intelligence artificielle, dont on parle beaucoup depuis quelques temps. Parce que l'intelligence artificielle a fait en sorte que maintenant, les machines, les robots, peuvent faire des tâches qu'on dit cognitives, c'est-à-dire qu'elles sont beaucoup plus sophistiquées, puis ils peuvent maintenant embarquer, puis c'est ça qui commence à inquiéter pas mal de monde, embarquer pas juste dans le travail manufacturier ou le travail de base, là, c'est vraiment le travail intellectuel, c'est-à-dire les avocats, par exemple, les comptables, et même les économistes, même les animateurs de radio. Pourquoi pas? Un animateur radio robot, je t'avoue que ça pourrait faire du bien, mais non, mais c'est vrai, on est loin quand même de visser un boulon. Quoi qu'il y en a qui sont lousses, ça pourrait aider. Oui, mais c'est sûr que dans l'actualité, on en parle souvent, surtout parce qu'on a peur pour les emplois. C'est-à-dire qu'on a peur que ça crée du chômage, que beaucoup de personnes, y compris donc des cols blancs, des intellectuels, perdent leur travail. Une sorte de chiffres qui sont sortis. Une étude qui est la plus souvent citée, c'est une étude de l'Université d'Oxford. Deux chercheurs, ils ont sorti le chiffre il y a quelques années, en 2013, je crois, où 47% d'emplois étaient à risque. Ça ne veut pas dire qu'ils vont disparaître. Mais à risque, ça veut dire qu'ils peuvent être affectés d'une façon ou de l'autre par l'arrivée des robots. On va parler de tout ça dans quelques instants. Moi, pour en discuter aussi, je me suis entretenu avec l'économiste Yannick Marcil, que j'aime toujours recevoir à l'émission. Il va nous mettre tout ça en perspective, la robotisation, ce qui nous pend au bout du nez. Et vous le verrez, il tient un discours plutôt rassurant, d'ailleurs. Et puis, chiffre de la semaine, Jean-Claude, 10%, moins 32%, moins 42%. Oui, exactement. C'est les trois chiffres de la semaine. On essaiera on démêlera ça tout ça tantôt. Quand tu m'as envoyé ça, c'est intriguant. Donc, réponse de tout ça en fin d'émission. Allons-y tout de suite, Jean-Claude, si tu le veux bien. D'abord, robotisation, effectivement, les enjeux, il y a beaucoup à dire. On a commencé à placer les choses rapidement. Il y a beaucoup de craintes d'emploi à cet égard-là. Mais d'abord, les enjeux que tu pourrais cibler par rapport à ça, là. Ben oui, évidemment, je pense que l'emploi, c'est vraiment ce qui tracasse un peu tout le monde. Mais il y a d'autres conséquences quand même importantes. Moi, une chose qui... mettons des choses positives aussi, parce que M. Marcel va dédramatiser un peu. On peut se dédramatiser en disant que c'est quand même un gain de la mécanisation au point de vue de la productivité, par exemple. Les robots, si on embauche des robots, pour prendre une drôle d'expression, c'est notamment parce qu'ils peuvent travailler plus efficacement, plus vite, à moyen prix, plus rapidement, plus précisément que qu'un être humain. Donc, à quelque part, il y a quand même un progrès. C'est pas pour rien que les robots sont en hausse. Leur cote est en hausse, disons. Mais il y aurait également un impact qui m'intéresse beaucoup, c'est que ça change un peu la nature des gains, des revenus, de la richesse, parce que ce que ça veut dire, dans le fond, c'est que c'est deux facteurs de production différents. T'as la main d'œuvre puis t'as le capital. Le robot, c'est du capital, c'est-à-dire c'est de la machinerie, et donc ça appartient à quelqu'un qui fait des profits avec ça, puis qui va peut-être garder les profits pour lui, oui, qu'il ne distribuera pas. Exact. Qu'on comprenne très simplement, si le robot fait la job, ça devrait être un salarié, il devrait recevoir un salaire. C'est pas lui qui reçoit le salaire. Hein. Non, c'est celui ça. Qui l'a acheté. Les économistes vont parler de substitution du capital contre la main-d'œuvre, si tu veux. On passe d'un facteur de production, la main-d'œuvre, au capital, c'est-à-dire le robot. Mais ça a des impacts parce que si la richesse, les revenus transitent par le capital plutôt par la main-d'œuvre, ça veut dire que l'impôt ne fonctionne plus de la même manière. L'impôt sur le revenu, ça rapporte moins. Il faudrait peut-être penser à l'impôt sur le capital, l'impôt sur les profits, l'impôt sur les compagnies. Alors, tu vois, il y a des conséquences. L'autre conséquence... Il y a des gens qui vont changer de poste, là. Ça va te faire des ennemis. Ben, c'est-à-dire, il y a une grosse côte à remonter là-dessus. Les mentalités ne sont pas rendues là, telles qu'on le voit dans l'actualité. Mais c'est quand même des conséquences importantes. Et donc, c'est pas juste au niveau de l'emploi. L'autre, je vais peut-être revenir à un aspect positif aussi, que c'est aussi une amélioration de bien-être, parce que les robots peuvent faire des choses que... pour l'être humain, c'est moins intéressant de le faire. Là. Les jobs dangereux, par exemple, c'est des travails dans des conditions très difficiles, quand il fait très, très chaud, très, très froid. Et très répétitive aussi. Très répétitive, donc un peu assommante, un peu plate, finalement, comme job. Puis ça a des impacts, peut-être, sur la sécurité aussi. Un exemple que je connais mieux que d'autres, là, c'est la sécurité routière, c'est-à-dire si vous avez des autos intelligentes, des véhicules autonomes, qui est une sorte de robot, dans le fond, on calcule qu'il y aurait 90% moins d'impact sur la route. C'est un gain absolument extraordinaire. Ça fait fantasmer un peu, là. Est-ce qu'il y a d'autres considérants, Jean-Claude? C'est pas mal ça, les principes. Okay. Peut-être le dernier élément, c'est que je rejoins un peu tantôt ce que je disais sur le capital puis le travail, c'est la distribution de la richesse, dans le fond. Et ça peut avoir un effet boomerang, c'est-à-dire si la richesse ne transite plus par le travail, à un moment donné, c'est bien beau que les robots soient plus efficaces, ils produisent davantage, mais qui va acheter leurs produits, les produits qu'ils vont avoir fait si le pouvoir d'achat n'est plus là, finalement, parce que les gens ont été congédiés ou ils font des salaires de misère, le pouvoir d'achat diminue d'autant. C'est pour ça que, dans le fond, il est facile d'exagérer et d'avoir très peur de voir tous les emplois disparaître, parce que, par son fonctionnement même, on pourrait pousser jusqu'à l'extrême à dire, si le but, c'est de faire des profits et d'être productiviste à mort, mettons que des robots, les gens ne travailleront pas, puis ça va aller de manière absolument merveilleuse. Mais c'est faux. Sur le plan économique, ça ne tient pas la route, parce que ça prend encore des consommateurs. On est quand même dans une société de consommation. C'est ça. Ça va introduire, peut-être qu'on y reviendra tantôt, oui. Si le temps le permet, mais ça introduit un rôle, dans le fond, pour l'État pour opérer une certaine redistribution des gains de productivité, c'est-à-dire s'assurer, parce que soit on peut le mentionner, là, les gains de productivité ont été très importants depuis les années 70, mais ça ne s'est pas traduit en salaire réel du tout. Fait qu'on a déjà un peu cet effet-là. Je ne dis pas que c'est juste à cause des robots. Il y a d'autres phénomènes, comme le néolibéralisme qui ont joué, oui. Mais il reste que tôt ou tard, on va avoir un problème parce que le pouvoir d'achat n'est pas là. C'est-à-dire que tu produis de plus en plus à bon compte, mais si personne ne va acheter les produits... Puis ce qui se creuse, c'est les inégalités, comme on a répété à quelques reprises à cette émission-là. Si tu me permets, on pourrait écouter tout de suite Yannick Marcil pour la première partie, où on va effectivement aborder cet aspect historique des choses, parce que tu le disais en introduction, ça fait longtemps qu'on en parle, qu'on craint quand même, quand il y a des avancées technologiques, on peut reculer loin en arrière. Là. L'agriculteur et son bœuf vont arriver le tracteur. C'est moins de monde, c'est moins compliqué. Où est-ce qu'on s'en va avec tout ça? Ça fait longtemps que ça existe, ce problème-là, cette crainte-là en nous. Ces craintes liées aux transformations majeures technologiques, ça revient tout le temps, finalement. Bien, c'est aussi vieux que le capitalisme, en fait. C'est aussi vieux que ces transformations-là. Donc, dès la première révolution industrielle, un peu après le milieu du 18e siècle, en Angleterre essentiellement, puis après ça ailleurs, là, en France notamment, tout de suite, on s'est mis à s'opposer aux nouvelles machines qui arrivaient, qui permettaient d'économiser du travail, finalement, hein, de faire de la production avec moins d'heures, moins de travail, moins d'employés. Et qu'on voyait ça comme une menace, et qu'on continue de voir ça comme une menace aujourd'hui, plus de 250 ans plus tard, qui est une menace réelle. C'est vrai que les machines remplacent en partie le travail humain depuis le début, c'est pas pour rien qu'on les met en place. Hein. Évidemment, au 19e siècle, l'essentiel de l'emploi, c'était dans les ressources, hein, agriculture, forêt, etc. Donc, on pouvait avec raison, en tout cas à cette époque-là, imaginer que ce serait l'hécatombe, là. Ah, tout à fait, et surtout au Canada, jusqu'à la toute fin du 19e siècle, l'essentiel de l'économie est basé sur l'agriculture, l'exploitation des ressources naturelles, notamment le bois, donc les bûcherons. Alors, le mythe du coureur des bois et du bûcheron, là, c'est pas juste un mythe, là, c'était quand même et de l'agriculteur, bien sûr, c'était quand même l'essentiel de la force de travail. Et l'industrialisation, qui est arrivée un peu plus tard au Canada qu'en Angleterre, par exemple. Et donc, la mécanisation, y compris de l'agriculture, l'exploitation forestière, de l'exploitation des mines, a transformé radicalement le monde du travail, où on n'a plus aujourd'hui que 3% de la force de travail qui est en agriculture, hein, contrairement à des pourcentages qui étaient quasiment la moitié de la force de travail au 19e siècle. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on regarde après ça, révolution industrielle, arrive transistor, informatique, encore là, on aurait pu penser que ça signifiait des pertes d'emplois massives. Et finalement, ce qu'on constate avec le temps, c'est qu'il y a pas tellement, on tue pas tellement le travail on vit une mutation à chaque fois. On le transforme. Voilà. Exactement. On ne tue pas le travail. Si on avait tué le travail comme on nous l'annonce depuis 250 ans, il n'y aurait plus personne qui travaillerait. Alors, ouais. Comme on sait, c'est pas le cas. Donc, oui, effectivement, il y a des jobs qui n'existent plus. Hein. Il n'y a pas si longtemps, par exemple, dans nos villes, moi, je me souviens que mon père étant né juste après la Deuxième Guerre mondiale, dans les années 50, encore à Montréal, il y avait des livreurs de glace. Parce que c'est pas tout le monde qui avait un frigo. On n'a plus de livreur de glace. Il y a des frigos partout à la place. Mais il y a des gens qui fabriquent et qui vendent des frigos plutôt que fabriquer et vendre de la glace. Bon, c'est un peu simpliste comme exemple, mais il y en demeure que c'est exactement cette réalité-là. Il peut y avoir des personnes qui ont perdu leur job littéralement à cause de transformation, mais en général, c'est simplement que graduellement, l'emploi se transforme, est en mutation profonde, des fois plus rapide, des fois plus lente. Mais on détruit donc certains types de tâches, c'est surtout des tâches, certains emplois parfois, mais pour les remplacer par d'autres. Les craintes par rapport à la robotisation, parce que là, évidemment, l'image est qu'on voit des robots partout, de l'humain nulle part. comment on peut présenter la chose plus raisonnablement? C'est-à-dire que pour la robotisation en tant que telle, la phase de robotisation que nous vivons présentement, elle est nouvelle à cause de l'intelligence artificielle. Parce que la robotisation industrielle existe depuis les années 40-50. Ce sera nouveau qu'il y ait des robots industriels. On ne fabrique pas les voitures ou les téléphones intelligents à la main. Hein? Depuis des décennies, depuis en fait plus d'un demi-siècle, la robotisation est intense dans tous les secteurs industriels. On pourra revenir tantôt sur d'autres secteurs qui ne sont pas encore touchés, qui commencent à être touchés. Ce qui est nouveau présentement, c'est que ces robots-là de génération plus récente sont beaucoup plus performants, non pas uniquement en termes physiques, mais en termes d'analyse de données, de prise de décision, donc tout ça grâce à l'intelligence artificielle. Et là aussi, bien sûr, ça remplace d'autres tâches ou d'autres emplois, là où on avait besoin d'ingénieurs, de techniciens très spécialisés pour assister le travail de ces robots-là, voire même le travail manuel, c'est de plus en plus remplacé. Sur les très grosses usines hyper technologiques, on peut penser au Québec, par exemple, aux alumineries. Si vous avez la chance de visiter une aluminerie un jour, vous allez voir, il n'y a à peu près pas un mot, c'est-à-dire de chat sur le plancher de l'usine. C'est extrêmement automatisé. Il y a bien sûr du travail humain pour surveiller les machines, mais c'est extrêmement minime comme apport humain par rapport à la quantité d'aluminium produit, à la valeur économique de cette production-là. Donc, ce qu'on vit présentement, mais c'est une nouvelle phase qui est, encore une fois, dans le même processus de ce qu'on appelle en économie de création destructrice, hein, de technologies qui remplacent certaines tâches et qui fait naître ces technologies-là, qui font naître d'autres types d'emplois pour évidemment les développer, ces foutues technologies-là, et les inventer. Ça veut dire qu'il va falloir avoir des gens qui non seulement exécutent des tâches, mais peuvent comprendre la machine qui exécute la tâche désormais. Bien, absolument. Et on le voit, là, c'est des secteurs en explosion depuis 20 ans, c'est la programmation informatique, c'est la gestion de bases de données, l'analyse de données, etc. Donc, c'est toutes des tâches en soutien à ces nouvelles machines que j'appellerais intelligente, avec les guillemets nécessaires, là, mais comme on dit qu'un ordinateur est intelligent, là, pas l'intelligence humaine encore, mais c'est il y a une part de tâches abstraites, intellectuelles, qui est maintenant faite par les machines. C'est ça qui est relativement nouveau. Encore une fois, ça date pas d'il y a 2 ans, là. C'est un processus qui est né avec l'informatique dans les années 60, mais qui se généralise et qui est à la portée de, comme on pourrait dire, à la portée de presque n'importe quelle entreprise, alors que ça n'était pas le cas il y a très peu de temps encore. S'il y a une chose qui progresse à vitesse grand V, c'est bien l'informatique. C'est un peu ça, dans le fond, peut-être, qui crée cette, on va appeler ça une psychose, si on veut, mais c'est une crainte intense, certainement, de perte d'emploi massive. Tout à fait. Et ces craintes-là sont légitimes. Je répète qu'elles existent depuis 250 ans, et depuis 250 ans, ces transformations technologiques s'accélèrent. Pensons dans notre propre vie, là, en 10 ans, comment l'outil informatique, que ce soit l'ordinateur ou sur un téléphone ou une tablette, comment cet outil-là a changé notre façon d'interagir avec les autres, de faire notre petit boulot, soit notre profession ou nos petites affaires à la maison. Je veux dire, c'est fabuleux, là, la vitesse à laquelle ça a transformé nos vies. Donc, ces craintes sont légitimes. Maintenant, ce qu'il faut examiner, et c'est là où ça devient intéressant, et il faut arrêter de lancer des chiffres comme on en voit encore très trop souvent dans les médias, où il y aurait 40% des jobs qui seraient plus là dans 10 ans. C'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas ça qu'il faut examiner. C'est pas les emplois qu'il faut examiner, ce sont les tâches accomplies dans le cadre de ces emplois. Effectivement, beaucoup de choses intéressantes se sont dites par Yannick Marcil qu'on vient d'entendre. C'est effectivement les tâches qu'il va falloir garder plus que les emplois, parce qu'en termes d'emploi, si tu me permets, Jean-Claude, je lis un court extrait d'un article publié dans la presse à la fin du mois d'août, « Intelligence artificielle, perte d'emplois réels ». Alors, il parle de l'étude, le journaliste du Forum économique mondial, qui dit « L'étude prédisait que l'automatisation grandissante de l'activité économique allait se traduire par la perte de 7,1 millions d'emplois, principalement chez les cols blancs, alors qu'un nombre important de tâches administratives seraient dorénavant accomplies par des machines intelligentes. En contrepartie, ces pertes d'emplois devraient être partiellement compensées par la création de 2,1 millions de nouveaux postes liés à l'utilisation accrue de l'intelligence artificielle dans les domaines de l'informatique, des mathématiques, de l'ingénierie. On parle donc d'une perte nette de 5 millions d'emplois. Parce qu'il faut bien l'admettre, un an et demi après la publication de cette étude du Forum économique mondial, les statistiques sur l'emploi des principales puissances économiques ne démontre toujours pas le début d'un mouvement à la hausse du nombre de chômeurs. C'est plutôt l'inverse que l'on observe. C'est effectivement ce qui vient un peu brouiller les impressions. Là. Nos impressions étaient faussées. Bien, c'est-à-dire que je pense que la façon de voir ça, c'est que... Puis moi, j'ai pris connaissance de travaux de l'OCDE, là, du dernier congrès de mon association d'économistes. Puis ce qu'ils disent, dans le fond, c'est qu'il y a peut-être autour de 9 % d'emplois seulement qui sont vraiment à risque. On est loin là, de 50 % des emplois. Mais il y a quand même un bon 24 % qui sera exposé à des changements importants. Ce que ça veut dire, c'est que vous ne perdez pas forcément votre job. Tout le monde ne perdra pas sa job, mais il y aura des ajustements à faire. On va devoir apprendre à travailler avec des ordinateurs, des robots. Et d'autres statistiques qui ont été portées à notre attention lors du congrès, c'est que la main-d'œuvre n'est pas vraiment préparée à ça, parce qu'il y a à peu près quasiment les 2/3 de la main-d'œuvre au Canada, par exemple, qui n'a pas tout à fait la littératie là, informatique. Là. Une façon de dire, dans le fond, on peut très bien parler français ou anglais, mais on a misère à parler ordinateur, c'est-à-dire à interagir et à vraiment exploiter les capacités de la machine. Donc, il y a quand même, je pense qu'il faut plus le voir en termes de besoin d'adaptation et de formation de la main-d'œuvre actuelle, puis de la main-d'œuvre qui s'en vient. C'est-à-dire que les jeunes, il faut qu'ils se spécialisent dans des bons domaines s'ils veulent avoir un emploi intéressant. Parce que une autre information qui avait été portée à notre attention lors du congrès, c'est que, puis c'est pas juste au congrès, je l'ai vu dans la littérature aussi, c'est qu'il y a comme une disparition appréhender des emplois de qualification intermédiaire, si tu veux. C'est d'une part, il y a une progression des emplois hautement qualifiés, des grands spécialistes, notamment dans le domaine de l'informatique. Puis d'autre part, ben, des jobs là, vraiment pas très intéressantes, qui demandent très peu de qualifications, mais qui sont très mal payés. Ça, il y a une certaine stabilité là-dessus. Puis c'est entre les deux, là, qualification intermédiaire, un diplôme de cégep, supposons, là, un diplôme technique, ben là, il y a quand même des risques qui en disparaissent. Puis, si tu me permets, je vais lire un bout parce que ici, ça concorde parfaitement. On dit justement, d'ailleurs, que depuis l'an 2000, les emplois dans le secteur manufacturier pour les travailleurs qui possèdent un diplôme d'études supérieures ont augmenté de 32 % Ces employés hautement qualifiés exigent une rémunération donc plus élevée. C'est-à-dire que on est obligé de suivre, si bien que même pour faire du travail qui avait l'air de base, aujourd'hui et de plus en plus, il y aura besoin de formation supérieure. Oui, mais j'ai vu une belle expression dans une des textes que j'ai lu cette semaine, c'est qu'il y a une chercheure qui disait que les travailleurs, il y a une espèce de course entre l'éducation et la technologie. C'est-à-dire, on essaie tout d'être en avant de la technologie, mais la course commence à être essoufflante. Là. Ça va vite, la technologie. Oui, c'est difficile de suivre. Et d'ailleurs, moi, c'est une des choses qui m'inquiète, parce que c'est beau de dire que, bon, on prend l'exemple de l'agriculture, M. Marcel l'a rappelé, ou des travails en forêt, par exemple, puis de dire, bon, ben les gens qui vont être libres, qui n'auront plus d'emploi dans un secteur donné, vont migrer vers un autre secteur. Sauf que si le secteur est de plus en plus technologique, qui demande de plus en plus de qualifications. Moi, je suis loin d'être sûr que quelqu'un qui travaillait comme caissier ou caissière est prêt à faire un job en informatique. Là, il n'est pas une question de goût, de capacité, de n'importe quoi. Tu ne peux pas avoir envie de faire ça aussi. Oui, puis j'ai vu une autre... Moi, ça m'a fait sourire un petit peu. C'est une image, mais c'est une image qui est intéressante. C'est-à-dire que c'est pas tous les travailleurs qui subissent un changement technologique là, majeur, qui trouvent à s'employer ailleurs. Donnez l'exemple. On voit l'exemple, par exemple, qu'au début du 20e siècle, l'automobile a remplacé les carrioles, a remplacé les cochers. Bien, peut-être les cochers ont trouvé un job ailleurs, mais les chevaux, eux autres, n'ont pas trouvé de job ailleurs. Les chevaux sont restés à boucherie ou d'un chevaux de course, puis il y a de moins en moins de chevaux aujourd'hui. C'est un exemple un petit peu farfelu, mais ça montre quand même qu'il y a des gens qui ont certaines compétences qui ne réussiront pas à se trouver un nouvel emploi dans un autre job. C'est peut-être pas la majorité, heureusement, mais il y a quand même des problèmes réels. Il y avait un article d'ailleurs lié à ça. Si tu parles, dans le fond, des grands commerces, si on parle de Walmart, entre autres, il y avait un article qui disait la technologie menace des emplois dans le commerce de détail selon des experts. Un article qui date de il y a quelques jours à peine. On dit si les compagnies promettent que cette automatisation, parce qu'on l'a vu, hein, les caissières, mettons, dans plusieurs endroits, on les remplace par ces machines imbuvables, que cette automatisation n'enverra aucun employé au chômage. Les experts croient que la tendance à long terme est sombre pour certains. On dit, je pense que toute entreprise de bonne taille qui investit aujourd'hui dans la technologie le fait dans l'espoir de réduire ses coûts et d'augmenter son efficacité. Elles ne feront pas ça si elles ne procèdent pas aussi à des réductions de leur main-d'œuvre. Walmart maintient que son objectif n'est pas d'abolir des emplois en douce. C'est quand même dur à croire. Là. Moi, j'ai de la misère à croire, moi aussi, mais c'est une façon un peu de rassurer l'opinion publique. Oui. Mais peut-être, en contrepartie, je dirais quand même que même la technologie apporte certaines solutions au problème du recyclage de la main-d'œuvre. Toujours au même congrès du printemps dernier de mon association, là, il y a quelqu'un qui apportait à notre attention que maintenant, on a créé des espèces de super agences de rencontres entre des employeurs puis des employés. Par exemple, la firme Gartner, qui est une grande firme d'informatique qui existe depuis plusieurs années, eux autres, ils entretiennent quotidiennement là, une espèce de banque d'emploi avec 21 millions d'annonces en 14 langues, c'est-à-dire, pour ceux qui connaissent ça un peu, 143 gigaoctets de données par jour pour des jobs disponibles ou des gens qui cherchent un emploi. C'est l'équivalent de plus de 12 millions de pages écrites sur Word qui, à tous les jours, sont mises à jour. Donc, super agence de rencontre au plan mondial. Si vous cherchez un job d'économiste ou d'annonceur de radio, animateur de radio au Kenya, bien là, mettez votre curriculum là-dedans et on va vous trouver un job au Kenya, si jamais ça t'intéresse, David. Bien, il faudra que je maîtrise la langue d'abord, mais quand même. On fait une petite pause puis on revient, on continue cette intéressante discussion. CKRL 89.1. C'est l'émission Econophile qui se poursuit au 89.1 CKRL, David Lemelin au micro, en compagnie de l'économiste Jean-Claude Cloutier. On parle de robotisation. Et je vous propose tout de suite la deuxième partie de l'entretien avec Yannick Marcil. Ici, on parle notamment du travail, de la conception du travail dans le capitalisme, qui en fait un moyen de générer des profits, mais il y a quand même plus que ça dans le concept. Est-ce qu'il n'y a pas là une belle occasion de se poser quand même des questions sur ce que fait le capitalisme du travail finalement? Je pense que cette question-là se pose elle aussi depuis le début du capitalisme, et c'est pour ça que le capitalisme a aussi fait naître des contre-pouvoirs, comme le mouvement syndical, par exemple, notamment. Ouais. Oui, effectivement, ça pose cette question-là, parce que oui, il y a des perdants dans toute transformation économique basée sur la technologie. Ça fait depuis le début du capitalisme que ça dure, qu'il y a des perdants dont nous devons prendre soin. Prenons un exemple un peu... je pense qu'il fera beaucoup l'imaginaire présentement, la fameuse voiture autonome. Hein? On ne sait pas quand est-ce que ça va arriver, à quel rythme. Mais supposons, et on peut supposer en fait que le premier parc automobile touché sera celui du transport des marchandises. Hein? Il y a beaucoup, beaucoup de camions sur nos routes qui suivent des horaires et des trajets déterminés à l'avance. C'est probablement, et qui coûte très cher, et donc où on va vouloir couper pour faire plus de profit ou être plus efficace. Si du jour au lendemain, évidemment ça n'arrivera pas, mais si du jour au lendemain les flottes de camions étaient remplacées par des camions autonomes, ben il faudrait prendre soin des camionneurs et des camionneuses qui perdraient leur emploi. Mais dans ce que je viens de dire, il y a le mot-clé est important, c'est le rythme à lequel la transformation se fait. C'est-à-dire le rythme auquel les entreprises remplacent leur technologie existante pour une nouvelle technologie qui fait perdre des emplois. Et tout est là. C'est dans la vitesse dans laquelle ça se fait. Il n'y a pas une compagnie de transport qui, du jour au lendemain, même si les camions autonomes étaient présentement parfaits, si la réglementation le permettait et tout ça, qui remplacerait sa flotte. Ça serait probablement une décision pas du tout rentable. Ça se ferait sûrement graduellement, au fur et à mesure de l'usure du stock de camions actuels et aussi du départ à la retraite ou à la retraite anticipée de certains travailleurs. Et ça, c'est vrai de tous les secteurs économiques ou en fait ou non économiques, ça peut être des entreprises d'État. Donc, ce remplacement ou ce renouvellement de la technologie existante prend toujours du temps et il y a des joueurs qui vont être plus rapides que d'autres parce qu'ils vont avoir plus de moyens financiers de le faire. D'autres entreprises n'auront pas les moyens de transformer cette technologie-là. Pensons à ce qu'on a vécu là, dans les dernières décennies dans l'informatisation. Il y a des entreprises qui ont été très lentes à s'informatiser, qui n'avaient pas les moyens de le faire ou pour lesquelles ce n'était pas nécessairement rentable d'avoir un système informatique. Aujourd'hui, il n'y a plus personne, presque, qui fait sa comptabilité avec un crayon puis un papier. Hein? Toutes les entreprises utilisent un logiciel comptable. Bon, mais il y a un paquet de commis comptables là, qui ont perdu leur job depuis 20-30 ans. Là. Mais ça s'est fait graduellement. Et ces personnes-là, les individus, on ne parle pas des professions au sens théorique du terme, mais les individus qui ont été touchés, ben, se sont soit recyclés ou leur job s'est tout simplement transformé. Ils utilisent plus un papier et un crayon, ils utilisent l'ordinateur, ils font 2 fois plus, 3 fois plus, 10 fois plus de travail dans le même temps. Et ils font peut-être autre chose dans l'entreprise où leur tâche s'est complexifiée et ainsi de suite. Le capitalisme aura cette capacité de faire ces transformations de destruction tranquille finalement. C'est de la destruction tranquille. Oui, mais c'est de la destruction-création. Hein, parce que le capitalisme, si on le regarde de façon très macroéconomique, ne peut pas se passer de gens qui travaillent. Parce que ces gens qui travaillent, ils reçoivent un revenu et les gens qui reçoivent un revenu consomment. C'est le moteur du capitalisme. C'est le cercle capitaliste le plus simplement dit possible. Donc, je ne parle pas ici des décisions individuelles de chacune des entreprises, mais de façon globale, il faut que le système, pour pouvoir se perpétuer, crée de nouveaux emplois pour pouvoir créer du revenu. Consommateur. Et donc, de la consommation en bout de piste. Fait que, bon, là-dedans, il y a toutes sortes de distorsions. On peut créer ce que l'anthropologue Garber appelle des jobs à la con, hein, les bullshit jobs. Ouais. Il y a un paquet de jobs qui sont créés qui servent finalement à rien d'autre que générer du revenu quelque part dans l'économie. Bon, c'est un peu discutable comme analyse, mais il reste que on ne peut pas porter de jugement moral ou au plan d'analyse économique sur la qualité des produits qui sont faits ou la qualité des jobs qui sont mis en place. On produit un paquet de cochonneries qui sont inutiles d'un point de vue esthétique, environnemental ou moral. Mais du point de vue économique, on produit des bébelles pour vendre des bébelles. Et si on engage des personnes pour le faire, qui eux-mêmes achètent ces bébelles-là. C'est simple de même. Mais c'est quand même un peu triste parce qu'il reste que dans le travail, on oublie un élément important qui est la réalisation de soi. Il reste que travailler dans la vie, c'est pas juste exécuter une tâche. Bien évidemment. Mais c'est là aussi où on peut être à la fois très critique du développement capitaliste basé sur ces transformations technologiques, mais aussi ne pas tout voir noir et blanc. Je veux dire, on est content quand même qu'il y ait des machines aujourd'hui qui fassent des jobs complètement abrutissantes ou dangereuses pour la santé qui existaient il y a à peine quelques décennies. Hein? On est content que ce soit des machines qui plantent qui vissent une vis dans les capots de voiture à tous les jours de façon répétitive plutôt qu'un être humain qui en devient complètement aliéné. Donc, il y a aussi la possibilité que la technologie améliore notre vie comme travailleurs et fasse en sorte que nous réalisions davantage comme travailleurs, parce qu'on est moins abrutis ou tout simplement notre vie est moins mise en danger physiquement et moralement. Je pense qu'on peut pas adopter une ou l'autre uniquement des visions du monde. Il y a des aspects positifs dans ce développement technologique qui est indéniable et des aspects, bien sûr, aliénants et abrutissants, tant au plan personnel qu'au plan social, qu'au plan environnemental de l'activité économique. Merci Yannick Marcil. Beaucoup de bonnes choses intéressantes à aborder ici, Jean-Claude. On commence à philosopher un peu, même sur le sens du travail. Il y avait quand même des choses intéressantes et importantes à dire, notamment sur le rôle de l'État, parce que nous, ici, à l'émission de Tanane, on est fait de même, on parle du rôle de l'État, qui a des choses à faire là-dedans. On ne peut pas observer, regarder le train passer, là. Oui, ben peut-être je commencerai par peut-être renchérir un peu sur ce que dit M. Marcil. Allons-y, oui. Je lisais justement un article de nos revues favorites, là, The Economist, ouais. qui faisait la comparaison entre la révolution actuelle, la révolution industrielle actuelle avec les robots, et la première révolution industrielle, celle de la machine à vapeur, il y a 250 ans. Ce que M. Marcel a rappelé. The Economist mentionnait que ça a pris 60 ans après le début de la révolution industrielle pour que les salaires réels commencent à augmenter. Donc, évidemment, là, après ça, ils ont augmenté de façon radicale. Par contre, à partir de entre la 60e et la 100e année après le début de la révolution industrielle, les salaires réels ont augmenté de 60%. Mais il reste que si on est embarqué dans le même progrès à très long terme, moi, je suis inquiet au plan politique, d'où le rôle des gouvernement, c'est-à-dire la montée du populisme, on n'a pas fini avec ça, parce que les gens deviennent impatients, attendre 60 ans d'avoir des progressions de ton salaire, là, c'est un peu long. Et c'est d'autant un contexte qui est vraiment difficile, parce qu'il y a tu notais ici, une perte du lien traditionnel entre l'employeur et le travailleur, c'est un fait, là, les travailleurs indépendants de plus en plus nombreux, le lien syndical qui s'amenuise, il y en a même plusieurs qui spontanément vont dire à quoi ça sert aujourd'hui, il y a comme un terrain de jeu pour pouvoir tirer la couverture de son bord, là. Ouais, ben ce qui est dommage, la perte du lien avec l'employeur, c'est que tu peux plus compter sur l'employeur dans le fond pour du recyclage, de la formation continue, des choses comme ça, alors qu'on sait très bien que c'est de plus en plus nécessaire. La technologie évolue tellement vite, dont je parlais tantôt, la course entre la formation puis la technologie là est toujours en marche, la course. Donc faut que les travailleurs autonomes ne comptent que sur leurs propres moyens pour se recycler. C'est quand même très exigeant. Mais je voulais en venir, c'est que je reviens un peu, puis M. Marcil l'évoquait un peu, dans le sens qu'il faut quand même recycler le pouvoir d'achat, recycler des revenus, si on veut vendre des produits et services faits par les robots. Et là, ça pose la question du rôle de l'État, du rôle de l'État en termes de transferts fiscaux, en termes de programmes sociaux. Même Bill Gates a dit, puis c'est une citation célèbre, qui a été mentionnée beaucoup de ces derniers mois, Bill Gates a dit qu'il faudrait taxer les robots. Moi, je pense que c'est un peu plus difficile parce que ça pose la question de qu'est-ce qu'un robot puis quelle sorte de taxe on va mettre, mais je pense qu'au minimum, il faut imposer les revenus du capital, c'est-à-dire les profits que les entreprises font avec leurs robots. Il faut peut-être les imposer davantage, puis imposer évidemment les revenus supérieurs des propriétaires des machines en question pour être capable de recycler ça dans l'économie, et soit sous forme de programmes sociaux, soit sous forme de revenus minimums garantis. Puis, qui est un dossier là, dont on entend souvent parler. Ceux qui se préoccupent de la robotisation, souvent, ils vont aboutir sur cette solution-là, puisque les robots sont prêts à faire le travail de ce qui serait fait par la main-d'œuvre normalement. Bien, assurons-nous que les gens qui ne peuvent plus travailler aient au moins de quoi consommer, de quoi vivre. Mais est-ce que c'est vraiment pousser l'idée, le concept, jusqu'à imaginer qu'il y a vraiment plein de gens qui ne travailleraient pas? Donc, il faudrait créer un revenu de base parce qu'il y a un paquet de gens qui ne travailleraient même pas? Peut-être. Ben, c'est ça. C'est toute la question de savoir. Sinon, c'est une belle réflexion, je trouve, c'est intéressant. Mais ça, il y a des comment dire, il y a des choix à faire. On a parlé un peu il y a quelques semaines du salaire minimum qui serait haussé à 15 $ à certains endroits. Ben, ça a pour effet, ça peut être d'encourager la robotisation parce que plus que tu montes le salaire minimum, puis au Québec, c'est plus la question de la taxe sur la masse salariale. Les employeurs se plaignent beaucoup qu'engager quelqu'un, ça coûte cher. Alors, le robot, il n'y a pas de taxe à masse salariale présentement. On pourrait peut-être en mettre une taxe qui serait l'équivalente de la taxe à masse salariale pour au moins équilibrer les chances entre le robot et la main-d'œuvre. Mais ça, moi, un chiffre que j'ai lu cette semaine qui s'applique aux États-Unis, que j'ai trouvé extrêmement intéressant, ça concerne un peu le revenu minimum garanti, c'est qu'on on fait le calcul très simple suivant, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, les revenus totaux des ménages américains, c'est 895 billions, 8 000 milliards, de trillions. Et divisé par 116 millions de ménages, ça donne en moyenne, par ménage, par famille, 73 000 $. Je ne pensais pas que le chiffre était si élevé que ça. Ça veut dire que c'est un problème politique énorme. Là. Puis Trump s'en va pas dans cette direction-là, pas du tout. Mais il reste que théoriquement, il serait possible de faire une espèce de diviser tous les revenus générés aux États-Unis par les hauts salariés et les bas salariés, répartir ça équitablement, 73 000 $ en moyenne par personne, par ménage, par famille, ouais, ouais. Ben, ça serait ça le revenu. Ça pourrait être ça le revenu minimum garanti. Donc, il y a suffisamment de richesse dans l'économie pour s'assurer que ceux qui ne peuvent plus trouver d'emploi à cause de la mécanisation, ben, au moins peuvent avoir un revenu décent puis peuvent vaquer d'autres occupations, le bénévolat, le travail artistique, etc. Encore que, oui, ben, moi, j'ai même écrit un show qui dit ça, hein, qu'il y a de l'argent en masse pour tout le monde sur la Terre, il suffit de le redistribuer. Mais du reste, il faut quand même penser à l'aspect politique, vraiment politique, politicienne de la chose. Il va toujours y avoir des gens qui vont se présenter en campagne électorale en promettant des jobs. Donc, c'est un peu aussi ce pourquoi j'ai tendance quand même à croire, même si la force du capital est intense, même si l'envie de s'enrichir sans fin est intense, il y a quand même quelque part quelqu'un qui va dire « Moi, j'aimerais savoir un job. » Oui, parce que le revenu minimum garanti, il y a deux faiblesses toujours. Pour ceux qui regardent ça, ils vont toujours trouver il y a deux points faibles. C'est la capacité de payer. Puis c'est pour ça que je trouve ça intéressant, ce que je viens de lire, oui, je viens de dire tantôt. C'est la première fois que je voyais un calcul aussi simple, disant, en tout cas aux États-Unis, je ne sais pas si c'est pareil au Québec ou au Canada, mais il y a quand même théoriquement de l'argent pour le faire. Ce serait possible. Ça, c'est un des aspects. Mais l'autre aspect qui est peut-être plus important, c'est que tu as raison, c'est que... Puis ça aussi, j'ai lu là-dessus cette semaine. Il reste, ça fait à peu près 250 ans maintenant que la richesse est distribuée à travers le travail rémunéré. Puis c'est devenu comme dans notre culture. Tu sais, qu'on peut pas imaginer que quelqu'un se fasse vivre, entre guillemets, aux dépens de la société sans travailler. C'est rendu là que... Si on aurait quand même... Moi, j'imagine, là, mais... livres, moi, je... Ben, ce serait... oui, ça pourrait se faire, parce que les changements culturels, il y en a eu dans le passé, mais ça prend du temps, là, avant que le monde accepte, là. Puis ce que je disais là-dessus cette semaine, il donnait justement l'exemple, il y a encore un préjugé très favorable en faveur du travail en manufacture. C'est-à-dire, le travail en manufacture est encore perçu, même si ça fait longtemps qu'il décline, comme étant préférable à ce qu'on appelle des grattes papier. C'est du travail clérical, du travail de fonctionnaire, du travail de bureau. Ça, c'est perçu comme moins intéressant, moins valorisant. Oui, il y a de l'héritage culturel et, pourrait dire, politique et médiatique là-dessus, parce qu'il faut voir encore, présentement, il est toujours très intéressant pour un politicien de se présenter en campagne et de dire on va ouvrir une manufacture dans le coin qui va créer 150 jobs. C'est absolument fantastique comme annonce, encore aujourd'hui. Oui, ben c'est parce qu'on a l'impression que ça, c'est du concret, alors que celui ou celle qui travaille dans un bureau, ben là, on dit, ouais, il travaille-tu vraiment? Il fait juste pousser du papier, des crayons sur du papier. C'est pas perçu comme... Ben, et pourtant, c'est la majorité des gens qui travaillent dans des bureaux pendant qu'ils font du travail clérical. Mais c'est tout ça pour dire que les perceptions, ça prend quand même du temps à changer. Puis le travail physique, le travail manuel, qui est le plus mis à risque par les robots, est quand même encore un préjugé favorable chez les politiciens et dans une bonne partie de la population. J'aimerais peut-être ajouter un élément, je change un petit peu de sujet, mais pour dire que pour le Québec, la question de la robotisation, on peut la voir beaucoup comme une solution à certains de nos problèmes. Le Québec ressemble un peu au Japon dans ce sens-là, c'est-à-dire une société qui est très vieillissante. On a une baisse de population active. On sait que depuis 2 ans, le nombre de personnes entre 15 et 64 ans donc théoriquement peuvent travailler, qui sont dans la force de l'âge, est en baisse. Et on sait qu'on a un problème de productivité au Québec depuis très longtemps. Alors, il sera peut-être pas si fou, finalement, de dire, ben plutôt que... Parce que je fais le lien avec un dossier dont on parlera sûrement d'ici quelques semaines, le dossier d'immigration. Présentement, la seule solution que les politiciens et les gens d'affaires voient au problème de la baisse de la main-d'œuvre, c'est de dire qu'il faut accueillir davantage d'immigrés. Mm-hmm. C'est une autre question, puis ça pose toutes sortes d'enjeux, mais il reste que la solution à l'immigration, l'alternative, la solution de rechange, c'est les robotisations. Ouais. Si on veut. Pour pallier la baisse de la main-d'œuvre, il y a deux solutions. Soit tu importes du monde, entre guillemets, des immigrés, ou soit que tu engages des robots. Ouais. C'est que, bon. Mais il faut quand même accepter l'idée que la productivité est en baisse ou qu'on a un besoin de productivité. Ça me rappelle tellement le message très Lucien Boucharesque. Là. On n'est pas assez productif. Il faut travailler plus, ouais. Bande de loche. Est-ce que c'est si vrai que ça? Parce qu'en même temps, cette émission, on a dit souvent qu'on avait beaucoup de bonheur à côté de notre supposée mauvaise productivité. Ben, c'est-à-dire que là, on n'exclut pas l'autre, mais c'est vrai, ouais. Ça, je pense que c'est indiscutable que la productivité au Québec est plus faible que dans le reste du Canada. En général, mais il faut dire que le reste du Canada s'est gonflé par le pétrole dans l'Ouest, mais c'est beaucoup plus faible qu'aux États-Unis. On pourrait avoir, il y a des gains à faire là-dessus, puis je pense que la robotisation permettrait de gagner, en fait, gagner dans la course à la productivité. Mais ça n'exclut pas qu'on peut miser sur le bonheur aussi. Eh oui, effectivement. Évidemment. En tout cas, et c'est pour ceux qui craignent qu'un jour, les robots... Parce que là, on dit, les robots, est-ce qu'ils vont finir par prendre tout le contrôle? Est-ce qu'ils seront même assez intelligents, peut-être, après ça, pour se syndiquer? Peut-être vont-ils se réunir plus tard? Il faut aussi penser à ça, quand ça va aller encore très, très loin. Mais il y a un de mes amis informaticiens qui me disait, tu sais, si jamais un jour, les robots viennent à prendre le contrôle du monde, tout ce qu'on aura à faire, c'est les mettre ensemble en réunion. On va reprendre le contrôle. Jean-Claude, juste pour terminer sur le sujet des robots, je me souviens de mes cours de russe où on me disait que le mot robot vient de robot, travailler. Donc, il y a un lien. Et robot, lui-même, l'origine, c'est esclave. Pensez-y. Et je vous souligne au passage, si jamais vous voyez sur les étagères, tu m'avais envoyé cette superbe image. Si vous voyez l'image de New Yorker du 23 octobre, c'est une image magnifique qui nous présente les robots qui, dans le fond, occupent la société carrément. Ça, très belle image. Vous irez voir sur Internet. Je pourrais peut-être la placer aussi en lien, là, mais c'est ça dit tout. J'ai trouvé ça très beau. Et puis un robot là-dedans qui donne un bitcoin, probablement. Oui. Une espèce de clochard. Oui, oui, exactement. Qui est un humain sans emploi. Puis il y a même des chiens robots. Hein. Il est avec son vrai chien, mais il y a des chiens robots dans le... Ah non, c'est intéressant. Maintenant, côté actualité, Jean-Claude, chose aussi dont il fallait absolument parler. Nouveau patron à la Fed. Donc, je vous lis un petit extrait de cet article. Homme du sérail, Jerome Powell, déjà haut responsable à la Banque centrale américaine, a été nommé par le président Trump jeudi pour diriger la Fed, marquant une certaine continuité avec la politique de Janet Yellen, même si c'est un républicain. À 64 ans, cet avocat et ancien banquier d'affaires, qui fut aussi un haut responsable du Trésor sous la présidence de George Bush père, avait été nommé, c'est celui qui a les mains longues, là, avait été nommé en 2012 gouverneur de la Banque centrale par le président démocrate Barack Obama. Les marchés devraient être soulagés par cette nomination, vu qu'il incarne la figure d'un responsable stable et expérimenté qui favorise le statu quo sur les taux et la normalisation du bilan de la Fed. Jean-Claude, je voulais qu'on en parle parce qu'on entend parler de la Fed. On dit, bon, OK, il a été nommé, so what? Ben, ça a un poids, ça a une importance. Ben, c'est-à-dire que moi, j'ai souvent vu qu'on dit que le président ou la présidente de la Fed, là, Mme Yellen était la première femme présidente de la Fed, la Banque fédérale de réserve des États-Unis, on dit souvent que c'est l'économiste le plus puissant au monde. Mm-hmm. C'est peut-être parce que les gens ne savent pas que Vladimir Poutine, c'est un économiste, mais lui, c'est dans un autre domaine qu'il travaille de toute façon. Mais blague à part, oui, parce que les décisions de la Fed, puis les décisions du président ou de la présidente, quoique c'est géré par un espèce de conseil des gouverneurs, probablement que c'est des décisions collégiales, ça a des impacts quand même sur beaucoup sur l'économie américaine, mais ça déteint sur l'ensemble de l'économie mondiale et c'est toujours très suivi avec beaucoup d'attention. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Quelle sorte de décisions vont prendre? Peut-être rappeler que la Banque fédérale aussi, c'est l'équivalent de la Banque du Canada que nous avons ici. Donc, ils agissent sur la politique monétaire, c'est leur premier mandat, via des taux d'intérêt. Ils agissent aussi sur la réglementation. La Fed est responsable de la réglementation et de la supervision des banques. Et c'est là que la nomination de M. Powell, un républicain, est importante, parce qu'on sait que M. Trump là, trouve que, bon, on a pas mal été sévère avec les banques, le réseau financier, depuis une dizaine d'années, puis la loi Dodd-Frank, puis tout ça, ils peuvent faire de profit autant qu'avant. Fait qu'on pense que M. Powell va être plus accommodant puis qu'il pourrait relâcher un peu la réglementation là, touchant les banques et le système financier. Puis de toute façon, c'est ça, c'est une de leurs responsabilités, c'est la stabilité du système financier globalement. Ils ont aussi, différemment de la Banque du Canada, la Fed est responsable de contrôler l'inflation et le chômage en même temps, c'est-à-dire là, cette espèce de double mandat. Et il semble que Mme Yellen a voulu beaucoup mettre l'accent sur la baisse du chômage. Notamment en gardant les taux d'intérêt très bas, mais M. Trump, apparemment, ça l'a agacé, puis il aimerait que les taux d'intérêt augmentent un peu plus vite. Mais est-ce qu'il va forcément l'écouter? Parce qu'il peut souhaiter ça, mais je présume que le président de la Fed fait un peu quand même à sa tête ou pas? Dans quelle mesure? Oui, c'est intéressant ta remarque, David, parce qu'en principe, il reste que c'est un organisme indépendant. Voilà. Comme la Banque du Canada est indépendante de la Chambre des communes, la Fed est indépendante et du président et du Congrès américain. Mais là, on le voit très bien dans la nomination de cette semaine. M. Trump a pris bien soin de nommer que je nomme un bon républicain, c'est quelqu'un du monde de la finance. Curieusement aussi, contrairement à ce que je disais tantôt, c'est l'économiste le plus puissant du monde. C'est pas un économiste. Oui, il n'est pas économiste. C'est la première fois depuis trois décennies que le président de la Fed ne sera pas titulaire d'un doctorat en économie. C'est un avocat. Mais ça démontrera peut-être que, dans le fond, que l'économie, c'est trop sérieux pour être confié à des économistes. Faut mettre ça dans les mains de quelqu'un d'autre de plus compétent. En fait, c'est une décision un peu surprenante, mais c'est quand même, malgré tout, ceux qui connaissent M. Powell disent que c'est quand même quelqu'un de relativement modéré. Donc, peut-être qu'il réussira à modérer un peu les élans là, un peu excessifs parfois du président américain. Tu reprenais la phrase célèbre qui disait « La guerre, c'est trop sérieux pour la confier des militaires », c'est ça? Exactement. Voilà, j'ai compris. Mais reste que, bon, si ce n'est pas un économiste, il faut avoir les qualités pour être capable de suivre le discours parce qu'il pilotera des dossiers qui sont d'une complexité extrême néanmoins. Oui, mais comme je mentionnais tantôt, c'est la Fed est quand même dirigée par un conseil des gouverneurs. Oui, c'est ça. Lui-même était membre de ce conseil-là. Et non, on nomme pas un incapable, ça, il faut pas penser non, ça. Non, c'est ça. Puis je pense bien qu'il y aura du monde qui va dire, bien, écoutez, si on augmente ses taux d'intérêt, ça a telle conséquence, soit les baisses à telle conséquence, donc il va être quand même capable de... Mais ceci étant dit, ce qu'on peut peut-être rappeler, que on a eu quand même des présidents de la Fed assez remarquables ou assez excessifs, comme M. Greenspan, par exemple, qui était là pendant... C'est lui qui a le record, il était là pendant... 20 ans, d'années, 19 ans, je crois. On lui reproche maintenant d'avoir lancé la crise de 2007 en gardant justement les taux d'intérêt trop bas, exact. Et en s'occupant pas de réglementer le système financier bancaire. Donc, ça illustre quand même comment leurs décisions peuvent être importantes pour l'économie. En terminant, Jean-Claude, chiffre de la semaine, 10%, moins 32, moins 42. Qu'est-ce que ce sont ces trois chiffres? Bien, c'est une statistique qui est sortie du Pew Research Center cette semaine, un organisme assez connu là, de sondage aux États-Unis. En fait, c'est la progression réelle, c'est un peu technique, la progression réelle de la richesse médiane des classes de revenus supérieures. C'est-à-dire, on a pris les revenus de la classe supérieure aux États-Unis qui a progressé de 10 %. pas les revenus, la richesse, pardon, ce qu'ils ont comme actif net, là, comme valeur nette. Donc, ils sont comme plus riches de 10 %. Ils sont plus riches de 10 % au cours des 10 dernières années. On fait un peu lien avec l'émission de la semaine dernière, la crise de 2007. En 2007 et 2016, la richesse des classes supérieures a augmenté de 10 %. Celle des classes moyennes a baissé de 32 %. Puis celle des plus pauvres a baissé de 42 %. Donc, ça en dit long pareil. Et rappelons-nous que M. Trump, depuis quelques mois, il milite en faveur de baisser l'impôt des riches parce qu'il dit que ça va relancer l'économie. Ils ont bien besoin de baisser leur impôt, les riches aux États-Unis. C'est ça, exactement. Ils n'ont pas compris encore qu'il y a des gens qui aimeraient ça pouvoir consommer davantage, mais à moins 42 %, ça complique un peu le portrait. Merci, Jean-Claude. Voilà ce qui termine notre émission pour cette semaine. Merci beaucoup, Jean-Claude. Très apprécié. Ça fait plaisir. Et puis, je remercie également chaleureusement Yannick Mercil. Marcille pour sa votre généreuse collaboration. La semaine prochaine, on prend une petite pause. Il y aura une reprise. Je vais vous monter tout ça cette semaine et envoyer une reprise. On a des obligations dans la vie, ça arrive. Mais on se revoit dans deux semaines. Comptez sur nous. Donc, bonne semaine. Merci beaucoup de votre écoute. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux et à écouter et réécouter en balado. Visitez econophile.net. Merci donc et à samedi dans deux semaines. Mais samedi prochain pour écouter. Elle va être bonne l'émission.